Il y a bien longtemps, dans un Bitbourg lointain, très lointain. Les temps sont durs pour la galaxie de Bitbourg. Dark le maire dirige la galaxie d'une main de fer et sème la terreur sur les mondes jadis si calmes. L'Alliance rebelle tente par tous les moyens de renverser l'ordre nouveau. Récemment, des espions rebelles ont pu percer à jour les plans d'une arme destructrice que la mairie empirique a mis en chantier. Une base spatiale énorme qui mettrait en péril toute la vie dans la galaxie. La super moissonneuse batteuse noire, ou autrement appelée la moissonneuse batteuse de la mort, est bientôt prête à totalement labourer les planètes révoltées. Il n'y a guère d'espoir pour toute la galaxie. Sans les chevaliers Jedi, et leur pouvoir étrange résidant dans cette force mystique, plus rien ne peut contrecarrer les plans de Dark le Maire et de son sombre empire. Ne pourra pas s'en sortir cette fois. Hein. Un vaisseau de la mairie vient de nous éprouver. Oh, cesse donc d'être aussi mal poli. Je ne suis qu'un druide protocapillaire. Ma tâche est de coiffer les cheveux de la princesse Rebecca. Non, de la sauver. Mais où vas-tu, mère de mes deux? Attends-moi. Ce n'était pas la princesse Rebecca qui vient de te mettre quelque chose dans la tête? Quoi? Faut que nous partions? Mais où donc? Où veux-tu aller comme ça? Attends, les capsules de sauvetage sont réservées aux hommes! Non, aux droïdes! Oh là là là là! Oh, j'espère que personne n'en saura rien, sinon on va se faire engueuler! Allez, on la fait pas, moi, hein. Allez, les prisonniers rebelles, on avance en tas! Allez, hop. Allez, on va prendre des douches dans nos centres de détention de la galaxie, allez! Major Maton. Seigneur le maire, nous avons fouillé tout le vaisseau, mais nous n'avons trouvé aucune trace des plans de la moissonneuse batteuse noire. En revanche, j'ai trouvé ça. C'est un yo-yo. Regardez, je fais juste ça et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il suffit, Major Maton. Je veux la prêtresse. On dit la princesse, Seigneur le maire, sauf votre respect, hein, bien entendu. Je sais qu'on vous le fait pas, vous non plus, hein. Oui, car je possède la force. Regardez, je sors une cuillère de ma poche. Oui, faites attention à votre cape noire, elle traîne dans les débris du vaisseau. Je sors la cuillère, et je l'adore avec le pouvoir de la pensée. Non, oh, oui, c'est très bien la force en fait. C'est excitant. Exact, seigneur le maire, exact. La force est géniale. On fait plein de trucs avec la force. Oh, seigneur, des soldats amènent la princesse. Voici la princesse Rebecca, seigneur le maire. Dark le maire, je devais m'y attendre. Un tel acte de félonie ne pouvait venir que de vous. Vous avez trahi, princesse. Je saurai m'en souvenir. Emmenez-la dans le cachot. Ça veut dire quoi, ça? J'ai trahi? Ça veut dire que je suis moche, c'est ça? Parce que si c'est ça, moi je serais moins fier à ta place, avec la cuvette à chiottes qui te sert de casque. D'une, ce n'est pas une cuvette à chiottes. Et de deux... Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous ai demandé de l'emmener. Allez, hop, hop, hop! Et les plans, Major Maton? Nous ferons tout notre possible pour les retrouver, seigneur le maire. J'y compte bien, Major Maton. Sinon... Oui. Pouic. Oui. Pouic. Comme lorsque j'étrangle quelqu'un juste avec la force de la pensée. Ah oui, mais ça fait plutôt crac. Vous êtes sûr? J'aurais pourtant juré. Mais enfin, mère de mes deux, c'est quoi cette planète? Elle est aussi chauve que le chauve le plus chauve de la galaxie. Et en plus, elle fait trop chaud. Ça me décoiffe tous les 7 nuits, tu sais. Et après, sans gel, j'ai les diodes qui font des épis. Oui, je sais, c'est le désert, c'est normal. Oh mais, un homme là-bas. Ohé, ohé. Oui, bonjour. Des droïdes dans le désert comme ça, c'est étrange. Bonjour, je suis C3 Brushing, droïde protocapillaire, et voici mon compagnon, mère de mes deux. Luc David, enchanté. Je suis ici dans le désert pour raison médicale. Raison médicale? Oui, ce serait trop long à expliquer. Je suis aussi le héros du 15e épisode de Aussi loin que s'en souviennent les Lilas, spécial Bitbourg dans l'espace. Mais qu'est-ce qui arrive à votre copain? Il s'excite. Je crois qu'il va nous passer un message. Le Luc David essaie de me sauver, Dark le maire. L'Alliance me sauver. Elle est belle. On m'appelle au secours. Je suis un héros, donc je crois que je dois répondre à l'appel. Je vais vous ramener à bon port, les amis. Les droïdes, nous sommes des droïdes. Comme je vous le disais, je vivais chez mon oncle et ma tante, tout ça dans la joie, et puis les soldats de la mairie de Bitbourg les ont tués. Alors maintenant, je voudrais devenir un grand pilote de l'espace, rejoindre l'Alliance. Vous voulez vous marier? Mais non, l'Alliance Rebelle, c'est un mouvement résistant. J'ai la force en moi, je suis sûr que je serai un jour un grand chevalier. J'ai dit, j'ai pas dit, j'ai qu'à dire. Mais c'est une légende! Non, c'est un ordre de chevalerie. Une légende, c'est quand tu parles d'une chose qui n'a jamais existé, tu vois. Pour un droïde, je te croyais plus intelligent. Entrons dans ce bar. Nous trouverons bien un astropilote qui nous aidera. Quelle chance pour nous d'avoir trouvé un bar en plein désert. Oui, enfin c'est surtout parce que c'était trop chiant de raconter notre voyage du désert jusqu'à la ville, puis dans la ville, puis jusqu'au bar. Ça s'appelle une ellipse dans le langage scénaristique. Tiens, regarde cette grosse bête de poil. Il a l'air d'un pilote, je vais aller lui parler. Ce grand cookie là, c'est Carl Ubaka. Il est le copilote d'un grand pilote de toute la galaxie de Bitbourg. Il va nous emmener où on veut aller. Hein, suivez-moi. Mais c'est qu'il a beaucoup de poils. Ne voudriez-vous pas que je vous fasse une coupe, monsieur Carl Ubaka? Oh, Carl. Carl, Atiaou, comment le faire? Mais que dit-il? Je ne comprends rien. Moi non plus. Et je trouve ça bien étrange. Ah, ça doit être le pilote dont il nous parlait. Bonjour, on peut s'asseoir? Ça dépend. Vous êtes qui? Ouh, Luc David à tuanadou.com. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a présenté. Enchanté, Luc David, je suis Yann, son conseil solo, capitaine du vrai con millénaire, le plus grand astropilote de toute la galaxie de Bitbourg. Vous connaissez Carl Ubaka, mon pilote cookie. Si vous ne comprenez rien à ce qu'il dit, c'est parce qu'il parle en adresse email. D'ailleurs, il est si drôle qu'il pourrait se contenter de citer l'annuaire email de toutes les planètes à la ronde pour faire rire. Et il s'en contente. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit gars? M'amener, moi et ces deux droïdes, sur la planète Alderamet au plus vite, sans poser de questions. Hein, je vois. Vous êtes recherché par la mairie, vous? Non, pas du tout, non, pas du tout. Hein. Maître David veut être un grand héros de l'Alliance Rebelle. Et moi, je veux devenir le plus grand coiffeur de toute la galaxie. Faudra que tu me payes cher, petit gars, pour que je me coltine cette échelle dorée et la boîte de conserve sur vous. Oh, vous l'avez vexé. Oh, bon papy, attends, ouais, je vais le faire. Ok, Carolie, ok, d'accord. On va prendre le bouseux et ses deux trucs en alu à bord de notre vaisseau et les emmener où ils veulent. Bon, rendez-vous en gare 18 dans 10 minutes. Attention, je crois qu'il y a des soldats de la mairie qui arrivent. C'est peut-être pour vous. Ouais, merci. Allons-nous-en. Oh oui, vite, partons. Fixe ça. Fais gaffe, Carole Yubaka. Les soldats viennent nous voir. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu de droïdes, s'il vous plaît? Désolé, non. C'est pas grave, merci, on va essayer de les trouver ailleurs, ces deux droïdes. Tout à fait, Seigneur le Maire, ils ont pris une de ces capsules de sauvetage du vaisseau et ils ont atterri sur la planète désertique Taquan. Quoi, Maquan? Qu'est-ce qu'elle a, Maquan? C'est une quan comme les autres et j'en suis très fier. Non, Seigneur le Maire, Taquan est une planète, on les recherche partout là-bas. On suppose que c'est eux qui possèdent les plans de la moissonneuse batteuse noire. Eh bien, retrouvez-les rapidement. Faites préparer ma navette. La princesse Rebecca et moi, nous partons tout de suite pour la moissonneuse batteuse noire. Il est temps pour l'Alliance Rebelle de se rendre compte de mon incroyable pourboire. On dit pouvoir, Seigneur le Maire, pouvoir. C'est quoi ce tas de ferraille? Ce tas de ferraille, comme tu dis, c'est le vrai con millénaire. Appelé ainsi en hommage à un vrai con qui a vécu pendant pas mal d'années. C'est le vaisseau le plus rapide de toute la galaxie de Bitbourg. Oh, parsec.fr. Demain.fr. La vache, Karubaka! T'es vraiment trop drôle! J'ai du mal à comprendre. Pourtant, c'est très clair, maître Luc David. Karubaka est si drôle qu'il pourrait se contenter de citer des adresses e-mail de toute la galaxie, et... Il s'en contente, je sais, mais je n'arrive pas à dénicher une quelconque touche d'humour. Bon, vous mentez ou vous restez sur le quai? Quoi? Quai. Non, quoi? Non, mais le quai. Hein, pardon. Vous là-bas, arrêtez! Merde, les soldats de la mairie. Merci de les avoir ramenés jusqu'à nous. Et rendez-nous rebar! Quoi? Rire, couvre-nous! Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Ah, ok, d'accord. Bon, je vous couvre. Montez. Allez, Karubaka, démarre. Putain, démarre. Démarre pas, votre carlingue. C'est ça. Allez, viens, petit, on va pousser derrière. Vous voulez pousser le vaisseau? Bah, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours poussé le vaisseau. Allez. Ils sont toujours là. Non, ils sont tous tirés. Ouais, c'est des copains, eux, qui s'amusent à nous canarder. Allez, pousse, petit, pousse. Je fais que ça. Démarre les moteurs, Karoli. Allez, on monte. On n'a pas le temps pour ça, il faut fuir. Bah oui, on monte dans le vaisseau. Ouf. J'ai bien cru qu'on allait y passer. Bon, direction Alderamed, capitaine, son conseil solo. On est parti. Thank you. Bienvenue à bord de ma super station spatiale appelée la Super Moissonneuse Batteuse Noire, chasseur de primes. Comme vous le savez, ce sont ces deux droïdes qui possèdent ce que nous cherchons. Ils ont vraisemblablement... Ce mot est trop long pour moi! Si moi je m'en souviens, je n'ai jamais aimé les mots trop longs. Pourtant, j'ai la force, et la force devrait me donner la force de dire des mots trop longs. Tout à fait, Seigneur le Maire, mais vous vouliez dire? Oui. Les deux droïdes ont été aidés par un capitaine au long cours. Au long cours? Du nom de Yann Son Conseil Solo, et d'un fermier, Luc David, qui semblerait posséder lui aussi la force. Mais enfin ça, j'y crois pas trop. C'est des on-dit et il faut jamais croire les on-dit. Si moi je m'en souviens, on dit où jamais rien n'était d'autre que des tumeurs. Des rumeurs. Non, l'autre, il a un casque minable sur la tête et en plus il sait même pas parler. Vous voyez, Seigneur le Maire, quand vous brisez le cou de quelqu'un, rien qu'avec la force de la pensée, ça fait crack et non quick comme vous disiez tout à l'heure. Alors, les chasseurs de primes, on fait moins les fiers. Vous avez vu ce que j'ai fait à votre collègue. Je veux que vous me rameniez ces deux droïdes, le capitaine Son Conseil Solo et l'autre là, Luc David. Je compte sur vous, et sur vous surtout. Je serai à la hauteur. J'y compte bien, Boogie Lafette. Vous êtes la meilleure chasseur de primes de toute la galaxie. J'y compte bien. Et vous comptez jusqu'à combien? Au moins jusqu'à 1000, quand je vous dis que je compte bien. Je comprends pourquoi on dit de vous que vous êtes le dernier chevalier. J'ai dit, j'ai pas dit, j'ai qu'à dit. Alors partez tous, chasseurs de primes. Allez à la recherche de mes deux droïdes. Et ramenez-les-moi. On devrait pas tarder à arriver. Mais c'est quoi ton truc, là? C'est un sabre laser de chevalier Jeudi, j'ai pas dit Jacadi, il appartenait à mon père. Il paraît que c'était un grand chevalier Jeudi, j'ai pas dit Jacadi. Wow, comment t'arrives à prononcer un nom aussi long? C'est l'entraînement. Et puis je suis allé voir un orthophoniste aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ah, et... Oh oh. Quoi? Gribrach, on va mourir? On va écrire à mourir? Hein? Je croyais que t'étais allé voir un orthophoniste quand t'étais jeune, gamin. Ouf. J'ai dit que j'étais allé le voir, c'est tout. C'est quand je m'énerve, je rajoute des R partout et plus personne me comprend. Ouais, bon, on a un petit problème, une petite avarie. Faut qu'on atterrisse en Qatar. Carol Yubaka, prépare ta descente. Cette planète me semble parfaite. Tagobé. Planète marécageuse. Descente 1. Ouais, ça va, on commence à le connaître ton ami. Oh mon dieu, merde de mes deux, j'ai drôlement peur. Si j'avais su dans quelle galère tu allais nous mettre en acceptant les plans de la station à l'intérieur de ta mémoire, de ma toile. Voilà, ici ça devrait être bon. Y'a que des marécages, ça fait peur, et puis y'a de la boue. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne. Bon, ça vous arrive souvent de chanter du Delpech? Quelquefois. Ouais, tu vois, gamin, chacun ses tares. Mais moi, je les ai pas eu dès mon enfance. J'ai eu mes tartares. Vous avez quoi? Oui, Caroli, oui, c'est bon, c'est mouillé, mais c'est bon, tu peux marcher là-dedans. Mes tares, je les ai eu plus tard. Ah, ok. Je vois. Maître Luc David, Mère de Médo, c'est embourbé. Bon, je m'en occupe. En éclaireur. Tout seul? Aussi loin qu'on s'en souvienne, un éclaireur a toujours été seul. Mais j'ai peur tout seul, j'ai... Oh, contorsionniste à tournando.fr. Bah, il vient de te demander si tu avais touché ta fesse droite avec ta narine gauche, parce que si tu pars en éclaireur, il te propose de t'aider à toucher ta fesse droite avec ta narine gauche. Bon, j'y vais. Marre, moi, j'ai jamais demandé à les aider, moi, ces deux droïdes, et encore moins à voyager avec ce plouc de capitaine Yann Son Conseil Solo. Et merde, en plus, je... Y'a une bête? Psst! Y'a une bête? Hé! Venez par ici! Mais qui êtes-vous? Stop! N'avancez plus! Restez cachés, je dois! Ne pas me voir, vous devez! Mais pourquoi donc? Parce que... pas beau! Et tout petit et tout vert, je ne suis! Quand j'étais petit, enfin... je le suis toujours, mais quand j'étais enfant... on m'appelait la Morve. La Morve ? Oui, parce que tout petit et tout morve je suis. Vous avez souvent dû vous moucher pour en arriver à ce surnom. Vous êtes où ? Juste derrière cette pierre. Mais n'avancez plus, jeune, j'ai pas dit jacaté. Ah, ouais, vous avez l'air effectivement très petit pour vous cacher derrière une pierre. Faites attention à ce que vous dites. Sinon, je fais d'une pierre deux coups. Un dans la tête, un dans le ventre. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Un grand maître, je suis. Mais vous venez de me dire que vous étiez tout petit. Suffit, jeune insouciant. Larynx Yoga, appelez-moi. Vous êtes le grand maître, Larynx Yoga ? Vous avez connu mon père ? Ton père, j'ai connu. Fête avec lui, j'ai fait. Et vomir partout, j'ai fait également, car petit estomac, j'ai. Mais pourquoi vous parlez comme ça ? Oh, ça, c'est pour le fun, c'est le style yoga, quoi. The yoga style. Mais, de me couper, arrête. Te dire des choses importantes, je dois. Oui, je suppose que c'est comme cela que marche un grand maître, j'ai pas dit, Jacadi. Enfin, je ne sais pas trop, je ne sais pas comment on procède avec un grand maître, j'ai pas dit, Jacadi. Oui, d'accord. Maintenant, moi, écoute. Ah, eh oui, ça marche pas à tous les coups. Écoute-moi maintenant. Sauver la princesse Rebecca, tu dois. Prisonnière de Dark Lemaire, elle est. Et apporter les plans de la station spatiale, la moissonneuse batteuse de la mort, à l'Alliance Rebelle, tu dois. Et rémunérer combien je serai ? Oulalala, le ménage. Un chevalier, j'ai pas dit, Jacadine n'est payé qu'avec le bonheur des gens. Suivre le côté lumineux de la force, tu devras. Mais le côté obscur, plus séduisant, t'attirera. L'heure du choix sera difficile. Maintenant, moi, je me casse. Mais, maître Larynx Yoga, attendez. Maître Luc David, le capitaine sans conseil solo m'envoie vous chercher, bien que je préfère vous coiffer. Hein. Le vaisseau est prêt pour repartir. Ouais, très bien, ces trois brushings. On y va. Alors, princesse Rebecca, vous plaisez-vous dans vos nouveaux appartements ? Une cage, oui, seigneur le maire. Une cage faite pour des rats comme vous ! Je rêve ou elle m'a traité de rat ? Elle vous a bien traité de rat, seigneur le maire. Aussi loin que je m'en souvienne, vous avez toujours puni ceux qui vous ont traité de rat. C'est vrai. Mais la princesse Rebecca connaît le positionnement de la base rebelle. Elle doit parler. Je ne parlerai jamais ! Jamais, vous m'entendez ? L'Alliance détruira votre mairie démoniaque. Et vous, Dark Lemaire, vous serez châtié. Oulala, vous serez châtié ! Oulala, j'ai peur, si vous saviez ! Vous devriez. Des gens vont venir me sauver. Ah oui ? Et comment pouvez-vous le certifier ? Vous avez lu le scénario ? Tout à fait. L'auteur de cet épisode est un très bon pote à moi. Quoi ? Où ? À quelle page ? Major Maton ! C'est vrai, regardez, à cette page-là, ça s'ouvre, Luc David dit « Je suis Luc David et je viens vous sauver !» Luc David ? Préparez la défense de la station, tout de suite ! Tout de suite, Dark Lemaire ! Cessez de répéter ce que je dis, Major Maton ! Maintenant, princesse, nous verrons si vous êtes si muette que vous voulez nous le faire croire. Docteur Spock, Bottomy ? Je suis derrière vous, Dark Lemaire ! Faites parler notre prisonnière. Qu'elle crache le morceau. J'ai rien mangé ce midi. Alors donnez-lui à manger avant. Ce sera fait selon vos désirs, Dark Lemaire. Oh oh. Quoi encore ? Je crois qu'on a encore un petit problème. Il faut qu'on se pose à nouveau sur une planète. Mais il est vraiment pourri votre vaisseau, c'est vraiment le vrai con millénaire. Ouais, ben il est peut-être pourri, mais ça fait un millénaire qu'il dure. Cessez donc de vous disputer comme des chiffonniers. Carl Yubaka, débranche le bouton d'or. Luc David, mon petit, ton droïde commence à me les briser menus là. Ça vous arrive souvent de citer du Michel Audiard ? De temps en temps, ouais. Oh, débranche atwanadoo.com. Oui, tu le débranches comme je te l'ai dit. Défends-moi, merde de mes deux, défends-moi ! La grosse boule de poils veut me débrancher ! Et je ne sais comment je vais faire. C'est plus calme, non ? Ouais, mais moi je commençais à bien l'aimer, moi, ce droïde. C'était mon droïde. Si loin que je me souvienne, j'avais jamais eu de droïde auparavant. Bon, on va se poser ici. Tiens, c'est étrange. L'autre, il me pique mes répliques. Cette planète appartient à un de mes vieux amis, Abdul Kalrissia. Il est le patron d'une gigantesque épicerie dans les nuages. Regarde. Comme c'est beau. Ouais, mais évidemment, la radio, le rendu est beaucoup moindre. On va se poser. Tiens, je crois qu'il y a un comité d'accueil qui nous attend. Oui, oui, petit extraterrestre. Oui, oui. C'est un de mes vieux amis qui arrive à bord du vrai camp millénaire. Je sais que ce n'est pas très gentil ce que je vais lui faire. Mais bon, je ne suis qu'une modeste poussière d'étoiles dans une galaxie de méchanceté. Stokotonka, pitstoya ! C'est ça, votre ami ? Il est drôlement bronzé. Ça te gêne, gamin ? Non, pas du tout, mais pour un mec qui tient une épicerie galactique, être bronzé, c'est un petit peu cliché. Je pensais que dans le futur, il y aurait plus de clichés aussi cons. Abdul, vieux brigand ! Yann, son conseil solo, ma vieille lopette ! C'était quel genre d'amitié qui vous unissait ? Oh, quand on était jeunes. Quand tu voyais l'un de nous, t'étais sûr que l'autre se trouvait derrière. Ah, c'est pour ça que tu marches comme un cow-boy. Venez, mes amis. Venez chez Abdul Kalrissia. Je vais vous faire visiter ma grande épicerie galactique dans les nuages. Faudra aussi que les techniciens jettent un coup d'œil sur le vrai con. On n'a pas arrêté de subir les avaries ces derniers temps. Et en plus, la mairie nous pourchasse depuis Takuan. Quoi, Makuan ? Qu'est-ce qu'elle a, Makuan ? La planète Takuan, Abdul. Ah, d'accord, d'accord. Mes techniciens vont s'occuper du vrai con. Ne t'inquiète pas, mon ami. Au fait, je me présente. Luc David, héros du feuilleton, aussi loin que s'en souviennent les Lilas. Et accessoirement, chevalier, j'ai pas dit dans cet épisode. Très bien, très bien. Allez, rentrons dans mon humble demeure. Carol Yubaka, surveille quand même ce vieil Abdul. J'ai peur qu'il nous fasse une crasse. Je pensais que c'était un de vos copains. Abdul, à Cyprus.fr. J'ai acheté cette épicerie avec tous mes crédits de contrebande. C'est beau, n'est-ce pas ? Et la mairie n'est jamais venue fouiller dans vos affaires ? La mairie de galactique de Bitbourg n'a que faire de petits commerces comme le mien. Venez, nous allons manger dans ma grande salle à manger. Carol Ubaka, vieux cookie, tu n'as pas changé d'un poil. Ça non, il les perd un peu d'ailleurs. Ah, c'est vrai qu'il peut toujours se contenter de citer l'annuaire email pour faire rire. C'est là ta salle à manger ? Oui, je vais ouvrir le sas. Bonsoir, rebelle. Bravo, vous bien faites. Vous les avez amenés jusqu'à nous. Maintenant, soldats de la mairie galactique de Bitbourg, arrêtez-les ! Yann ! Yann ! Il a été touché ! Partez ! Partez, je suis foutu ! Dites à ma femme que je l'aimais... au début. T'as une femme ? Non ! Mais c'est pour faire bien ! Tirez-vous ! Y'a des tas de soldats qui arrivent ! Allez, viens, Carol Ubaka. On reviendra chercher Yann plus tard. Oui, moi aussi, Carol Ubaka. Je t'aime. Tu es mon plus fidèle ami. Quant à toi, Abdul, sale traître. Je suis désolé. Pas autant que moi. Nous allons emmener le prisonnier. Quand est-ce que je serai payé ? Déjà que j'ai un rôle minable de chasseur de primes dans ce feuilleton, j'aimerais bien être payé rapidement. Vous verrez ça avec Dark Lemaire, Boubi Afet. Nous n'avons pas encore les deux droïdes que nous cherchons. Je vais vous les trouver, moi, les deux droïdes. Ce n'est qu'une question de temps. Laissez-moi son conseil solo. Je vais le plonger dans du latex. Ça en fera une sculpture que j'offrirai au baron de la pègre, Alberto le Hutt. C'est celui qui fait les pizzas ? Et moi, qu'est-ce que je fais ? On m'avait dit que je pourrais agrandir mon épicerie et en faire une grande surface. Mais est-ce qu'on a l'air de décider de quoi que ce soit, nous, enfin, quoi ? Allez voir Dark Lemaire, vous verrez avec lui. Je voudrais pas vous déranger, mais vous parlez, et moi, pendant ce temps, j'ai été un peu touché. On parle de me foutre dans du latex et je suis majeur, je suis assez grand pour décider ce que je veux faire, non ? Il essaie de gagner du temps pour qu'on pourchasse pas ses amis. Allez, lancez-vous à leur trousse ! Et qu'est-ce qu'on peut bien avoir à faire de leur trousse ? On n'a pas besoin de crayons. Vous êtes vraiment trop con. Maintenant, capitaine, son conseil solo, nous allons voir si vous êtes aussi sexy dans du latex. Yeah. a toujours plusieurs chasseurs à nos trousses, Karolubaka. Oh, beaucoup à plan.fr. Mon dieu, pourquoi m'avez-vous rebranché? Pourquoi? J'ai trop peur, merde de mes deux. Je ne suis qu'un coiffeur, pas un héros de l'espace. Sois poli, merde de mes deux. Je ne t'ai jamais parlé de plomberie, moi. T'es sûr que c'était la chasseuse de prime Bobby Affet qui a attrapé Yann? Ok. Alors si on veut retrouver Yann, il faut la retrouver elle d'abord. Elle doit être chez Alberto Le Hut. Celui qui fait les pizzas? Allez, cap sur ta couane. Alberto Le Hut étant un extraterrestre, nous nous voyons dans l'obligation de le doubler pour plus de commodité. Seulement, nous sommes à la radio, c'est donc la voix du doubleur qui superposera celle de Alberto Le Hut. Ah, Bobby Affet, tu es bien la meilleure chasseuse de primes de toute la galaxie de Bitbourg. Assez parlé, Alberto Le Hut. Paye-moi maintenant et pas en pizza. Où est-ce qu'il y a un zin? Où est-ce qu'il y a un zin? Mais. Tu as l'air bien pressé de partir. Ah ah ah ah ah. Qu'est-ce qui te fait peur? Moi? Ah ah ah ah ah. Je n'ai peur de rien ni de personne. Où est-ce qu'il y a un zin gosé? Il y a son conseil solo. Using being Cassia, she's in mesquages. Depuis le temps que je rêvais d'avoir Yann son conseil solo. N'est-il pas beau comme cela, en sculpture dans mon palais? Ha ha ha ha ha. Bonjour, je dérange? Oh maître Luc David, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rentrer chez des gens comme ça. Surtout quand ils sont gros, verts et qu'ils sentent leur anse. Ils n'ont jamais l'air commodes ceux-là. Oh, faut cracher crâne, hâte à bertoulehut.fr. Oh, où est-ce que j'en sais? Il y a besoin de Bobby Affet. Oh, qui sont ces vers? C'est pour cela que tu voulais partir, Bobby Affet? Non, Alberto, je t'offre Karolubaka et ce minable Luc David. Minable? Mais grave, très meilleur, Bréhi. En contrepartie, je garde les deux droïdes. Ah ah, Karolubaka, Ishkin Koki, Gajima, Bismarensai, son conseil solo. Ah, Karolubaka, le puissant Koki, attrapez-les, je vais les mettre à côté de son conseil solo. Tu peux prendre les deux droïdes, Boubia, tu l'as bien mérité. Personne ne prendra qui que ce soit ici. Nous ne sommes pas dans un boudoir. Hors de question que je ne subisse des attouchements et mes droïdes non plus. Oh, toi, tu fais ce que tu veux de tes poils, mon vieux. Attrapez-les. Oh mon dieu, merde mes deux. Comme j'aimerais retrouver mes bons vieux ciseaux de droïdes pour nos capillaires. C'était bien plus calme. Ah, chevalier, j'ai pas dit jacadie, tu as fait une percée dans la ligne de défense que formaient mes hommes. Et c'est une percée dans toi que je vais faire, Alberto Le Hut. Crève, gros crimach. Oui. Quoi? Non, je disais crève, grosse limace, c'est quand je m'énerve, je rajoute des R partout et personne ne me comprend plus. Oh, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Ah, je meurs, je souffre, le sabre laser me rentre dans... Ok, c'est bon Jean-Claude, merci, tu peux y aller, y'a plus besoin de doubler maintenant. Bon ben, nous on va vous laisser, hein. Maintenant que notre patron Alberto Le Huff est mort, on n'a plus grand chose à faire ici, hein. Ce fut un plaisir. Allez, viens, tirons-nous. C'est ça. Allez, vous-en, sale larve de l'espace. Tremblez devant le grand chevalier, j'ai pas dit jacadie, le nouvel héros de la galaxie de Bitbourg. Car oui... Oh, ta gueule! Oh, boobiatmauvaisesuite.com. Oh, maître Luc, c'est la chasseuse de prime. Bobby Affet. C'est elle qui a attrapé Yannson, conseil solo. Bobby Affet. Où est notre copain? Non, dis ami, je t'en prie. Copain, ça fait gamin. Je recommence. Bobby Affet, où est notre ami? C'est mieux, c'est plus crédible et on a moins envie de se foutre de ta gueule. T'inquiète pas, il est en sculpture contre ce mur, juste là. Yann! Mon dieu, il est enfermé dans un énorme préservatif! C'est vrai qu'avec le réservoir, on dirait un schtroumpf tout rose. Relâche-le. Ne t'inquiète pas. Je n'opposerai aucune résistance en plus. Je suis de votre côté, en fait. Quel rebondissement! Et pourquoi te croirais-je? Nous ne savons même pas qui tu es. Pour l'instant, je suis Booby Affet. Pour l'instant. Allez, je sors ton copain de là et après, direction la super moissonneuse batteuse noire où Dark le Maire retient prisonnière la princesse Rebecca. Oh, la princesse, l'alliance, ça m'était complètement sorti de la tête. Tu m'étonnes. Je suis sûre que si je souffle dans ton oreille, ton crâne fait trompette. Allez, aide-moi à extraire ton copain du latex. Mais où est-ce qu'on trouvera une poubelle assez grande pour jeter ce préservatif géant ? Pas de nouvelles de nos chasseurs de primes, Major Maton ? Des soldats en faction sur la planète Bespin où se trouve la grande épicerie d'Abdul Kalrissia nous ont contacté, Seigneur le Maire. Booby Affet a réussi à capturer le capitaine Yon de son conseil solo. Et les deux droïdes ? Eh bien... Je veux mes droïdes ! Elle a dit à nos soldats qu'elle avait un plan. Faisons confiance à Booby Affet. Elle nous ramènera les deux droïdes et lui David. Très bien. Très bien. Car bientôt, nous mettrons en route la moissonneuse batteuse de la mort. Et toutes les planètes rebelles seront labourées. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Bienvenue à la base rebelle Jacqueline Boubillard, appelée ainsi en hommage à la grande voleuse rebelle Jacqueline Boubillard, jamais arrêtée jusqu'alors. Je suis le directeur. Pourquoi vous répétez-vous ? Vous êtes bec, madame ? Non, je suis le directeur, c'est mon nom. Et je suis une femme, merde ! C'est pas parce que j'ai un nom d'homme que je dois être absolument un homme. Vive la liberté des sexes ! À bas le masochisme ! Vous voulez dire le baptisme ? Je dis ce que je veux. Alors, c'est donc ce petit robot qui détient les plans de la station de la mairie de Bitbourg. Nous arriverons bien à trouver une faille dans la moissonneuse batteuse noire. Oui, mais attendez avant de donner la sauce. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous devons d'abord aller sauver la princesse Rebecca. Ah oui, c'est vrai. Le plan est simple. Vous partez sauver la princesse Rebecca. Ensuite, une fois que vous serez sorti de la station spatiale, nous pourrons attaquer avec nos chasseurs. Maître Luc David, moi je resterai bien ici, moi. Vous savez, je ne suis que le coiffeur de la princesse Rebecca, pas son sauveur. Reste donc ici avec Mère de mes deux, ces trois brochings. Nous nous en sortirons très bien tout seuls. Je suis un héros et le dernier chevalier, j'ai pas de Jacadi, vivant, ne l'oublie pas. Oh, mais c'est qu'avec vous, on l'oublie trop souvent. Il faut y aller, Luc. Yann, son conseil solo et Carole Baca nous attendent à bord du vrai con millénaire. Vous ne voulez toujours pas me dire qui vous êtes, Booby Affet ? Histoire que j'ai plus confiance en vous ? Oh non. Allez, montons à bord du vrai con. Directeur, nous vous donnerons notre feu vert pour lancer l'assaut. Un feu ? Mais on n'a aucun problème de circulation ici. Pourquoi est-ce qu'elle veut me donner un feu ? Nous sommes parés à décoller, les enfants. Vous êtes tous bien installés ? Je suis prête. Ça va mieux, Yann ? J'ai encore dans la bouche le goût du stupre et de la luxure, mais ça va. Allez, on est parti. Dark le Maire, gare à tes fesses ! On arrive. Un vaisseau est en approche, Dark le Maire. Et alors ? Ils nous ont donné un vieux code d'identification. Le docteur Smogbottomy, ici présent, affirme que ce n'est pas du tout le bon vaisseau. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un vrai con millénaire. Je connais le vaisseau dont il parle. Et je suis sûr à 100% que ce n'est pas du tout ce vaisseau dont il parle. Luc David ? Très bien. Donnez-leur l'autorisation de se poser. Mais, Seigneur le Maire ! Faites ce que je vous donne. Ordonne. Les souris viennent manger leur fromage dans un piège que les chats ont dressé. Mon Dieu, que c'est con ce que je viens de dire. Vaisseau Cargo l'Entreprise ! Vaisseau Cargo l'Entreprise, vous avez l'autorisation d'atterrir, Capitaine Kirk ! Capitaine Kirk ? Merci, moissonneuse batteuse noire, nous sommes en approche. C'est du gâteau. Prochaine étape, la douche. La prison, tu veux dire ? Prison à Disney.com. Ouais, ben c'est la même chose. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? On peut même plus dormir tranquille ici ? Bonjour, je suis Luc David et je viens vous sauver. C'est ce qui était prévu dans le scénario, mais vous avez drôlement mis du temps ! Faites attention, on vous a tendu un piège. Un piège ? Où ça ? Luc, mets-toi, on pourra pas les contenir plus longtemps ! Venez. Yann, c'est bon, on peut y aller. C'est vous, la princesse Rebecca ? Avec cette coiffure minable et avec... Oh, ça va. Les blagues sur la coiffure de la princesse Rebecca, on les a assez entendues. Venez, vite, partons ! Attendez. Je ne peux pas attendre longtemps. Je descends les soldats que je peux, mais il y en a toujours plus qui arrivent. Oh, pas bien noté, atmauvais.com. Je peux pas venir. Je sens comme un remous dans la force. Oh non, merde! Quel est le petit saliveux qui a pété? C'est pas nous! Bon, c'est pas les soldats, mais ça peut venir que de l'un de nous. Mais non, je parlais d'un remous différent. Partez, donnez l'ordre aux rebelles d'attaquer. Luc David, où allez-vous? Je dois suivre mon destin. Et ton destin est de me rejoindre, Luc. Viens à moi. Viens te la mettre contre Dark le Maire. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Vous êtes prié de rappeler ultérieurement. Oh, mince! C'est bien la force, mais quand le réseau sature, on peut pas y faire grand-chose. Mais peut-être que trop de chevaliers, Jedi, Jepani, Jakani, essaient de communiquer entre eux, Seigneur. Mais Luc David arrive, Seigneur. Très bien. Laisse-nous, Major Maton. C'est un combat que je dois mener seul. Rougin, ici Leader Or, vous me recevez? Là, Leader, nous sommes prêts à l'assaut. P1, ok, allons déployer la galaxie. Jonin, vous êtes ok? Ok, comme un pouce de babou prêt à apporter le tsunami. Noir 1? Je souhaite de la partie. Vrai combinaire ici. Hors leader, nous donnez-vous l'autorisation d'attaquer. Hors leader, ici le capitaine, son conseil solo. Nous avons décollé. Il reste un de nos hommes à bord. Nous n'avons plus de temps, son conseil solo. Dans quelques minutes, la moitié de ce bateau noir sera prête à labourer notre base. D'accord. Allez-y. Oh, leader.fr. Oui, Carole Baka. Il mourra en héros. À tous les escadrons, en formation, à l'attaque. Yann, des chasseurs avant 11h. Ça va, il est que 10h, on a le temps. Luc, je t'attendais. Dark le Maire, ton sombre règne prend ici fin. Tu penses enfin être un chevalier Jedi Jepadi Jakadi? Viens tâter de ma lame. C'est quoi votre plan, les gars? Vous avez trouvé la faille? On va faire péter le réservoir d'essence, tout simplement. Ah ouais, bon, je comprends pourquoi vous aviez besoin des plans, les gars. Y'en a un qui me colle au cul. Des canons, hein, j'arrive. Je vais prendre des canons laser du vrai con millénaire. Ça va nous aider. Minute, ma jolie. Pas avant de m'avoir dit qui vous êtes réellement. Ôtez votre casque. Bon. Comme vous voulez. En fait, je suis... Tu as encore beaucoup à apprendre, jeune Jedi, Jepadi, Jakadi. Je suis au top de ma forme. Je me suis beaucoup entraîné, Dark le Maire. Ah bon? Essaye donc d'arrêter ça. Aïe! Mais c'est pas du jeu! Tu viens de me balancer un truc avec la force de ta pensée! C'est ça, la force, Luc. Tu ne la maîtrises pas encore. Mais ton père la maîtrisait, lui. De quel droit parlez-vous de mon père? Sais-tu ce qui lui est arrivé, Luc? Bien sûr, il est mort dans un stupide accident de réchaud à gaz, dans un camping! Non, Luc David. Je suis... ton père. Non! Oh, t'es la fin comme ça, t'es la fin comme ça, je déconne! Moi, je ne déconne plus. Oh, tu m'as eu! Adieu, Dark le Maire. Adieu, sombre empire. Et vive Bitbourg libre! Vive Bitbourg libre! Vive moi! Vive Luc David! Et vive... S'il te plaît, j'aimerais mourir en paix, alors évite de me gueuler dans l'oreille. Oh, pardon. Il faut que je quitte la station maintenant. L'impératrice? Impératrice, appelez-vous encore. Oui, je suis l'impératrice du film Dune. Vous savez, celle qui parle au début et qui dit que la planète Arrakis est la seule où il y a de l'épice et tout ce genre de trucs. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Bah en fait, je sais pas. Je me suis trompée de film, alors pour pas trop déranger, ben j'ai essayé de me caser là où je pouvais. Voilà quoi. Chut ! Écoutez, Luc David essaie de nous joindre. Yann, ici Luc David. J'ai réussi à m'échapper à bord d'un vaisseau. Comme la vie est belle. Dark Lemaire est mort. Vous pouvez détruire la moissonneuse batteuse noire. Ok, on fait péter ça et on rentre. C'est ainsi que prit fin le terrible règne de Dark Lemaire dans la galaxie de Bitbourg. Yann, son conseil Solo et la princesse Rebecca se marièrent et eurent un fils, puis un autre, et un autre encore. Puis divorcèrent car Yann s'était découvert un penchant Cookie-Feel. Il se remaria avec Carol Ubaka et ensemble, ils eurent plein de petites pellicules. Luc, lui, sombra dans la boisson et se noya dans l'alcool. Son foie fut exposé au musée galactique de Bitbourg. Nul ne sait pourquoi il devint alcoolique, mais certains disent que son combat avec Dark Lemaire l'avait trop éprouvé. Ses trois brochings, émerdeux mais deux, ouvrirent un salon de coiffure, le plus grand de toute la galaxie. Ils se marièrent et eurent beaucoup de petits boulons. Quant à moi, je repris ma place d'impératrice. Je me tape toujours autant de beaux mecs et j'ai acheté une carte pour ne plus jamais me tromper de film. Bonne soirée à tous, bonne nuit et dormez bien. Car, souvenez-vous, la force est avec vous à jamais. Un épisode spécial d'Aussi Loin. Il y a bien longtemps, dans une Bitbourg lointaine, très lointaine. Attention, préparez-vous. Parcourez l'espace à bord du vieux combilénaire. Affrontez l'aventure avec le capitaine sans conseil Solo et Carol Ubaka le Cookie. Parlez d'iode avec ses trois brushings et mère de mes deux, et enfin devenez chevalier jeudi Jepadi Jacadi, tout comme Luc David, et combattez Dark Lemaire pour un monde meilleur. Découvrez Bitbourg dans l'espace le lundi 2 avril de 19h à 20h sur le 92 coefficient espace-temps.